dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out any. Bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre avec un hommage au grand David Bowie, Heroes, un morceau de 77, composé avec Brian Eno dans sa période de Berlin, avec une influence, une connotation avec, au mur de Berlin, qui en a fait d'ailleurs un morceau phare lors de la réunification des deux Allemagnes. On a continué avec les Eagles et l'Hotel California de 76, donc on est remonté d'une année en arrière, pour saluer le départ de Glenn Frey, qui est à la guitare. Et tout de suite, c'est pas un hommage, c'est plus pour vous annoncer un concert à venir très très bientôt, le 5 février à Chassieux, dans un petit théâtre qui s'intitule le Caravan Théâtre. Eh bien, nos amis d'Ange, tout de suite Ange. Mes clarines les semailles oubliées. Dans mes cheveux, au-delà de mon sourire, éclate une huître gonflée de perles, fixant mon jardin à l'Éden par son collier miraculeux. Au-delà de mes soupirs, je n'entends plus les vents du nord, mimant à l'envers du décor les marionnettes de mes aïeux. Seulement pour quelques minutes, quelques secondes, et certainement pour l'éternité, à l'intérieur de votre cortex, de votre corps, vous allez choisir l'animal que vous souhaitez devenir. Dans l'au-delà, choisissez. Je veux entendre les chats. Je veux entendre les chiens. Je veux entendre les oiseaux. Je veux entendre les carpes. Les zèbres! Pour imiter le zèbre, il faut enregistrer un cheval sur un disque rayé. Elle est con, celle-là. Je vous demande, tous ensemble, de devenir l'animal que vous souhaitez être. Je veux vous entendre, les chats, les oiseaux, ensemble! Ouais! Plus fort encore! Tous ensemble, plus fort! S'il vous plaît, 3, 4, oh. Encore une fois, oh. Tous ensemble, au-delà du délire. Orange, c'est Monsieur Hassan Hajdi. Monsieur Benoît Casolini. Monsieur Thierry Sidoum. Et Monsieur Tristan Descamps. Et Monsieur Christian Descamps. Deux gosses dans la ville. On était petits. C'était bien la vie. On l'appelait Bill. Un voisin, un petit frère, un ami. Sa mère était belle. C'était bien pour ça qu'il en avait peur. Pourquoi tu caches mon ballon sous le jupon? Elle dit finito, 4 heures. Et surtout ne pose plus de questions. Et pas jouer dans la cour. Pas jouer dans la cour. Oh. Qu'est-ce que ça joue, Ange, extrait d'un album live offert par le fan club, un tour au Moyen-Âge. Je rappelle, oyez, moi je ne serai pas là, je serai en Angleterre avec l'ami Tim. On va boucler l'album de Silver Hunter. Je rappelle que Ange est en concert le 5 février, c'est très très bientôt ça, à Chassieux, au théâtre Caravane, avec un K comme King Crimson. Ange, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de ces petits gars de Glasgow, d'Écosse. Ils nous avaient pourtant drôlement emballés en 1986, c'est pas tout jeune, tout ça avec un premier album qui s'intitulait Mini-album. Je veux parler de Comedy of Errors, les revoici, les revoilà avec un album somptueux, je pose mes mots, ça, je pèse mes mots et je pose une virgule et j'applaudis des deux mains. Avec un album donc intitulé Spirit, Comedy of Errors, c'est très très proche, ça a toujours été des premiers palaces, donc vous voyez ce que je veux dire du rock symphonique comme on l'aime, et bien là il ne se rate pas du tout. Et c'est un pur régal. J'en veux pour preuve, 8, 9 et 10, c'est les morceaux que je vais vous passer. C'est la fin de l'album. Imaginez tout ce qu'il y a avant. Tout de suite, en exclu sur Prog à part, l'émission du rock progressif, Comedy of Errors. Thank you. Pour ma part, je trouve ça superbe. Comedy of Errors, la comédie des erreurs. Spirit, nouvel album, donc Made in UK, et ça date de 2015. Je vous propose une petite revue de presse. Il y avait longtemps, et coup sur coup, j'ai reçu plein de petites choses bien sympathiques, de partenaires presse, si on peut les appeler comme ça. Tout d'abord, eh bien, commence avec nos amis de Quad 9. Quad 9, c'est le numéro 95, hiver 2016. Ça coûte 7 euros, ça a 76 pages, couverture cartonnée couleur. Et entre la couverture cartonnée, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve un article bien sympathique sur David Bowie, un article sur Gazpacho, Harvest, interview du groupe qui m'avait impressionné lors du festival quadriphonique, je veux parler de Monnaie de Singe, article interview sur Orion, Jan Gilevic, c'est un groupe aussi, un guitariste très floydien, que j'avais découvert lors d'un concert à Cassis, on avait sympathisé, et donc là il revient avec un album dédié aux Flamants Roses. Également en couverture, I.O. Earth, c'est la couverture, c'est le groupe phare pour Quad 9. Et enfin, j'ai trouvé un dossier très intéressant sur le prog symphonique américain, avec notamment Star Castle et Happy the Man. Voilà, Quad 9, c'est en vente dans toutes les bonnes boucheries, librairies et autres crèmeries. 7 euros, numéro 95, vous en aurez plein les yeux. Suite de la revue de presse avec nos amis belges de Progressistes. Voilà aussi un magazine que j'apprécie beaucoup par son côté encyclopédique et en même temps son humour. Il propose un numéro 83, et oui déjà, numéro 83, pour la modeste somme de 8 euros. Alors je suis en train de regarder combien il y a de pages, 129, 130, plus la couverture. 132 pages, petit format, format A4. Alors qu'est-ce qu'il y a au menu, au sommaire de ce nouveau numéro ? Eh bien, compte rendu du festival Progressiste, une interview de Léormé, et ça c'est très appréciable. Leur rubrique toujours très intéressante de Classic Rock, avec cette fois-ci Tears for Fears. Un dossier superbe et intéressant sur Galleon, les Suédois de Galleon. Ils font du prog sans le savoir avec Sweet. Un article en profondeur sur le dernier album des Collines. Un dossier sur le claviériste polonais Niemen, ça c'est très très chouette d'avoir fait. Et puis donc après, Collector, le pôle de la rédaction, alors pôle, ce qu'ils appellent chez eux, c'est en fait le référendum, qui n'est pas le même, on retrouve pas les mêmes, il y a des constantes, mais on retrouve pas les mêmes que le même choix que dans Quad 9 et tout à l'heure chez nos amis british. La suite de cette saga sur le Canterbury, qui est toujours très intéressante, cette série de réflexions sur qu'est-ce que le prog, tous les goûts sont dans la nature, rubrique live, les indispensables, et après une foultitude de chroniques, il y en a tant qu'on en veut, et j'oublie quand même un truc très très chouette, moi qui m'a beaucoup intéressé, interview de Nick Mason, le batteur de Pink Floyd. Avec un nom comme ça, le bougre, il doit être certainement écossais. Je veux parler de Simon McKechnie. Je le prononce à la française volontairement. Avec l'accent anglais, ça donnera plutôt Simon McKechnie. Mac comme McCartney et puis K-E-C-H-N-I-E. Et c'est ma foi de fort bonne facture. Un premier album, donc ça vient de sortir, 2015, labellisé, et qui s'intitule From My Head to My Feet, de ma tête jusqu'à mes pieds. On revient un tout petit peu en arrière grâce à l'ami Michel Blackbird, il se reconnaîtra, qui nous a proposé, qui nous propose Enchant. C'était passé un petit peu au travers du filet de la ménagère. Enchant, vous savez, ce groupe américain prog metal, metal prog, vous mettez l'adjectif où vous voulez. Et leur dernier album s'intitule The Great Divide. The Great Divide, Enchant, tout de suite. For punishment, is this time? of serenity is this over before it begins? And still we just get by with our hopes held high. And with this final test, the good, the bad, the happy, the sad get put to an endless rest. Can you close your eyes, knowing you did your best? Je termine la revue de presse avec The Last But Not The Least, Prog, vous savez, le magazine luxueux, made in UK, fabriqué en Grande-Bretagne, la référence, la bible en matière de prog, c'est vendu même dans les kiosques, imaginez un petit peu la claque. On en est au numéro 63, il vient tout juste de sortir, dans une couverture comme d'habitude cartonnée avec un sampler dedans, il fait 131-132 pages, tout en papier glacé et couleur. En couverture, Rush, puisqu'il y a un gros dossier sur le groupe canadien. Qu'est-ce que j'ai noté autrement dans ce numéro ? Il y a le référendum d'électeurs, on va y revenir. Il y a un article sur Steven Wilson, sur Dream Theater, sur Simon Phillips, le batteur, Antimatter. Je note également l'article régulier sur les labels du prog, et cette fois-ci c'est Threshold, le label des Moody Blues. Également une interview de Ian Anderson de Jethro Tull. un article, comme je disais, sur Dream Theater avec interview, etc. Donc voilà, il y a de quoi s'en mettre plein les yeux, les oreilles, c'est un pur bonheur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le point de vue de nos amis britanniques sur le prog de l'année 2015 avec un référendum qui est assez différent d'une autre dans la mesure où il est très british, comme d'habitude, j'allais dire. C'est effectivement, c'est une île hein, qui est chère à mon cœur, vous le savez, mais c'est une île et donc qui est peu sensible, peu influencée par le prog dit européen, italien, allemand, français encore plus. Ne parlons pas de tout ce qui peut se passer en Espagne ou peut-être un petit peu quand même les pays scandinaves et la Hollande, mais ils sont pas très très loin. Un poil ce qui se passe au Japon un tout petit peu et dans une plus grande mesure c'est ce qui se passe aux États-Unis. Bref, comme dirait Pépin, le groupe de l'année c'est The Enid. J'en suis ravi puisque c'est un groupe qui trimballe sa musique et ses disques autoproduits depuis de fort longues années. Donc c'est largement mérité. Le deuxième c'est Marillion. Le troisième c'est Steven Wilson. Je continue pas. Hein, ça c'est le groupe de l'année. L'album de l'année c'est l'album de Steven Wilson, Hand Cannot Erase, qu'on avait passé sur ses ondes. Ensuite on trouve Lonely Robert, groupe que je connais pas, et en 3, The Enid. En 4, allez, je vous fais plaisir, Riverside, et en 5, Neil Morse. Voilà pour l'album de l'année. Je continue à tourner les pages en direct. Hein. Bon, et après, il y a le chanteur, la chanteuse, le bassiste, le guitariste. Vous irez utilement vous référer. Le claviériste, les multimédias, l'événement de l'année, le non-événement, la réédition, le batteur. Et la réédition de l'année, c'est Yes, Fragile. Yes, Fragile. Et puis, suivi de Gentle Giant Octopus et Thrak de King Crimson. Voilà pour ça. L'homme de l'année, c'est Steven Wilson. Encore lui. La femme de l'année, ça me fait plaisir parce que à la fois, elle a beaucoup de talent, beaucoup de charme et cette pauvre fille a eu beaucoup de problèmes de santé. Je veux parler de Christina Booth de Magenta. Christina Booth est juste devant Anneke van Giersbergen, pardon pour l'accent, et Kate Bush. Je vous ai pas dit pour l'homme de l'année, le deuxième c'est Robert John Godfrey, The Enid, et le troisième Steve Hackett. Et enfin, l'espoir pour 2016, j'en cite qu'un seul, c'est Tiger Moth Tales. On en avait passé en direct sur cette émission et c'est, ma foi, superbe. Voilà pour Prog Magazine, donc en vente uniquement en Grande-Bretagne ou ceux qui habitent Paris dans une librairie anglaise près du Louvre, suivez mon regard. Je continue et on termine les nouveautés avec Night Area. Voilà des Hollandais qui reviennent fort avec un live qui s'intitule tout simplement Hyper Live. Night Area.

Beneath this world, God, there is souls to hide. Me of my brush, you of your youth are tied to canvas forever. We'll be right back. I can stay youthful for all of my life, and the picture I'll keep from the world's peering eyes. My sins it will hold, its face will grow old, and all the people will know not why. My face is young till the day that I die. The gates of the seasons, they open and close, and the pathway's perfection, a faltered repose. An age elf slips free, ascending this tree. He sneaks up with ease, outstretched arms reaching high, so small but so vital, his glistening smile. The face as with fever is stricken, a red beard juicily thickens, scorching his eyesight, the charred wrinkled skin, his mirror of conscience that burdens the sins. The satire looks down from the frame, illusion. Blade shines brightly, it fills his fingers with hate. A veil of darkness descends, it bends to his feet. A knife of lust, mistrust decreasing. Visions vanish, stripped unseen. Pardon pour le Larsen, j'avais mis à fond la caisse tellement que cet album est vibrant et superbe. Je veux dire avec un jeu de mots, this is England's best kept secret. C'est le secret le mieux gardé d'Angleterre puisqu'il s'agit d'England. Vous l'avez deviné, les fidèles des fidèles, ce groupe Météor qui a sorti ce Garden Shed, son Garden Shed, c'est-à-dire son abri de jardin en 1977. Aïe, Fatal Error en pleine période punk et malheureusement est passé complètement inaperçu. C'est dommage parce que cet album est véritablement, je pèse mes mots, un chef-d'œuvre. En ce qui me concerne, eh bien, je vais vous quitter puisque je pars en Angleterre. Remarquez comment c'est bien amené. Je pars retrouver le Garden Shed, l'abri de jardin de Tim Hunter, puisque nous allons ensemble terminer, comme je le disais tout à l'heure, l'album de Silver Hunter. D'ici là, bah, vous retrouverez Promis juré, avant de partir, je vous mettrai en ligne sur le podcast de Prog à Part et d'Acid Dragon la présente émission. Je vous rappelle qu'Acid Dragon a sorti un nouveau numéro 66, avec un spécial prog fabriqué en France, Cocorico, interview notamment de Ange, de Monnaie de Singe, j'en passe et des meilleurs, que du bon, tout ça pour la petite somme de 3,50€, et pouvez même vous abonner à 14€, et vous recevrez également des sampleurs à chaque numéro. Vous savez tout, ou presque, si j'ai oublié de dire que la prochaine émission aura lieu le 7 mars, mais votre humble serviteur sera revenu d'Angleterre, les caisses et la valise remplie de nouveautés prog, c'est promis. Ciao, see you later. C'était Prog à Part, une émission présentée, proposée, réalisée par Thierry Sportouche, avec l'aimable collaboration de Roland Rock, de Michel Blackbird, et un petit bonjour au passage au Jean-Louis de Saint-Genis. Et bien sûr, bonjour aux Olivier. Ain't gonna stop, yeah. Catch the clock, you stuck in the muck. Fucked up.